Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, le manchot empereur. Avec ses 1,20 m de hauteur, c'est le plus grand des manchots. On le trouve sur le continent antarctique, là où peu de bêtes sont capables de supporter de telles conditions climatiques. Car sous ses airs chics, vêtu de son smoking noir, sait-on que le manchot possède 4 épaisseurs de plumes en forme d'écailles et une bonne couche de graisse qui l'isole parfaitement des tempêtes de vent qui peuvent atteindre 300 km/h dans ces contrées et des températures descendant jusqu'à moins 60. Pendant longtemps, avoir ces colonies de manchots regroupées les uns contre les autres, soit plusieurs dizaines de milliers d'individus, on a cru qu'ils formaient une vraie communauté avec des règles de partage et d'entraide. Il n'en est rien, c'est chacun pour soi. À une nuance près tout de même, puisque le manchot se préoccupe beaucoup de son partenaire et de son poussin. Nous voilà au milieu d'une colonie de manchots où, convenez-en, l'ambiance est assourdissante. 75 décibels, soit l'équivalent du périphérique aux heures de pointe, les manchots sont bruyants. Les scientifiques se sont demandé comment, dans ce brouhaha incessant, les animaux pouvaient se reconnaître. C'est à la voix. Chacun a un son qui lui est propre. L'expérience a même été faite de mettre des boules quillesses dans les oreilles d'un manchot et un morceau de scotch sur son bec. Il passera à côté de sa partenaire sans lui jeter le moindre regard. Tout dans la voix, rien dans le physique. Une reconnaissance vocale notamment bien utile quand l'un des membres du couple part en mer. En effet, durant l'hiver antarctique, en juillet-août, la femelle empereur va pondre son œuf, qu'elle va ensuite pousser dans les pattes de son partenaire. Le mâle va garder l'œuf au chaud afin qu'il ne gèle pas. Puis la femelle prend la direction de la mer, elle traverse la glace, pêche, et s'absentera environ un mois et demi. En attendant, le mâle couve et jeûne. Il peut perdre jusqu'à 40% de son poids, car personne d'autre de la colonie n'ira le nourrir. Autant vous dire que les retrouvailles avec la femelle sont vitales, et pour lui, et pour le petit. Sinon, les deux mourront. Un mois et demi plus tard, revenu de la pêche, la femelle regagne la colonie, énorme et titubante, l'estomac rempli à ras bord de petits poissons et de calamars, qu'elle régurgitera dans le bec de son mâle et de son petit s'il est sorti de l'œuf. Comment retrouver partenaire et jeune dans un lieu si bruyant, sans repère visuel, ni place assignée? Eh bien, la femelle va se rendre au centre de la colonie, lever la tête, puis la baisser d'un coup sec, en émettant un son qui va être amplifié par sa cage thoracique. Puis elle décrira une spirale en appelant son mâle tous les 16 mètres, ce qui correspond à la capacité de détection des manchots, jusqu'à ce que la famille soit de nouveau réunie. Ce même scénario se reproduira pendant les mois qui suivent, puis un jour la glace va fondre, le petit va muer et se jeter à l'eau. Ce sera l'heure des séparations et chacun vivra sa vie de son côté comme bon lui semble. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay, avec la complicité de Thierry Aubin du CNRS et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.